Bonjour à toutes et tous et joyeux Noël à vous. J'espère que vous avez passé un super réveillon, que vous avez eu les cadeaux que vous espériez, que le Papa Noël s'est montré vraiment clément à votre égard. Donc moi, personnellement, bah ça y est, la famille s'est cotisée et j'ai enfin ma Switch avec Mario Odyssey, Lapin Crétin et Mario Kingdom Battles et Puyo Puyo Tetris. Donc, vous imaginez que je frétille comme une petite truite et qu'on est tous super contents à la maison. Bref, je vous ai préparé un best-of d'une heure à peu près, avec des sujets qui, je pense, sont au-delà de l'actualité. Une petite sélection qui, j'espère, vous fera plaisir, vous permettra peut-être de vous remémorer certains sujets ou de faire découvrir l'émission à certaines personnes. Vous pouvez même la mettre en fond comme ça, en fond sonore pendant une petite heure chez vous, bref, comme vous voulez. Je vous souhaite à nouveau de joyeuses fêtes et vous savez de toute façon qu'on se retrouve très bientôt, samedi prochain pour les tipeurs, le 30 pour l'émission du samedi et le 2 janvier pour réattaquer votre édition quotidienne préférée de la revue de presse JV. Allez, je retourne digérer devant Mario Odyssey et que des rimes fabuleux, quel talent. Et je vous souhaite donc encore un joyeux Noël. Ho ho ho. Il y a une discussion Twitter que j'aimerais vous conseiller, une discussion qui a été ouverte par l'un des développeurs de Sausage Sport Club. Alors, ce développeur donc s'appelle Chris Wed, @ChrisWed, alors tout collé avec un underscore à la fin, donc Chris C-H-R-I-S Wed W-A-D-E. Tout collé, un underscore à la fin. De toute façon, je vous mettrai le lien de ce tweet Twitter sur le blog de l'émission, comme d'habitude. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette discussion? Ce cher Chris, rejoint par d'autres camarades développeurs, qui décortiquent toutes les astuces graphiques et de programmation qui ont été utilisées dans Super Mario Odyssey. Alors, screenshot à l'appui. Donc, moi, qui ne veux pas du tout me faire spoiler Super Mario Odyssey, j'ai regardé juste les premiers screens. Et je me suis mis ce lien de côté quand j'aurai le jeu et quand je l'aurai terminé, n'est-ce pas? Mais c'est très intéressant, si vous avez déjà bien bourlingué dans le jeu, ces développeurs débattent, émettent des hypothèses, parfois confirment complètement que telle ou telle technique a été utilisée pour rendre tel effet graphique, que ce soit sur les personnages, les décors et autres. Et c'est littéralement passionnant à dévorer. Surtout si vous vous intéressez un petit peu au backstage du développement de jeux vidéo. Et ce qui est assez incroyable, et ça c'est l'un des bons côtés vraiment d'Internet, c'est que tout le monde peut assister à ce débat, et c'est assez c'est passionnant quoi. Donc bien sûr c'est en anglais, mais bon, rien vraiment bien de compliqué à comprendre, et puis au pire vous vous mettez un petit Google Trad sur le côté, et zoup, c'est parti comme en 40. Donc je vous conseille cette discussion Twitter sur le compte de Chris Wade. Je vous mets le lien sur le blog de toute façon, sans aucun souci. Ce week-end, deux sujets m'ont particulièrement touché et, pour être tout à fait honnête, ulcéré. Alors là, c'est le cœur qui parle, et je m'excuse par avance si certaines maladresses survenaient ici ou là. Premier point, la Paris Games Week. Alors, on en a beaucoup parlé lors des précédentes émissions. Bien sûr, il n'est pas question de remettre en cause tout le salon. Globalement, il s'y passe des choses très intéressantes avec des intervenants ou des stands magnifiques. Je pense notamment aux camarades Demo5.com, dont le stand est truffé de trésors rétro et l'équipe absolument géniale. Donc, il y a des gens super à la Paris Games Week, que ce soit côté visiteur ou côté exposant. Là n'est pas le problème, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour se voiler la face et cacher sous le tapis la part sombre de ce genre d'événement. Quand j'ai vu ce week-end, et que je vois encore certaines images qui tournent sur Twitter, des tweets de youtubeuses qui n'en peuvent plus de se faire toucher par des porcs, ce qui les pousse à faire venir même pour certaines des membres de leur famille, pour les protéger, car le service de sécurité apparemment peut pas assurer ce flux de personnes malfaisantes. Prenons l'exemple par exemple du stand du jeu de Detroit, le prochain David Cage. Alors je ne sais pas si vous avez suivi ça sur internet, mais ils avaient mis donc sur le stand des personnes en vitrine censées représenter des androïdes. Alors le Tokyo Game Show avait eu le même stand. Alors oui, le concept de base n'est pas inintéressant. Et il est même là pour interpeller le rapport humain, androïde, le rapport qu'on a avec les machines, etc. Où est la frontière? Tous ceux qui ont deux ronds de cervelle, bien sûr, comprennent ça. Et peuvent trouver même quelque part pertinent. Bon, moi je trouve pas ça non plus d'une originalité et d'une folie complètement cataclysmique, mais pourquoi pas? pourquoi pas. Mais, tout comme la polémique qu'il y a eu il y a quelques années à la Paris Games Week, vous savez, avec ce pack collector Call of Duty qui avait généré des violences et des comportements inadmissibles, les organisateurs savent où ils se trouvent. Hein. C'est un fait, et ça, malheureusement, on ne peut pas le nier, la Paris Games Week est aussi connue pour son ambiance parfois limite et ses combos infinis d'incivilité. Et ça n'a pas manqué, avec ce stand Detroit, où des gros lourds se sont mis à emmerder les jeunes filles, qui, on les comprend, avaient l'air d'être au bout du rouleau. Il y a vraiment des images hyper malaisantes qui tournent, vraiment, sur Twitter, et des commentaires, comme je disais, que ce soit d'hôtesses, de youtubeuses, etc. C'est catastrophique. Donc, ça a beaucoup alimenté Internet, là, ces derniers jours. Et je pense qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités pour l'image du média, des joueurs et de ceux qui en vivent. Hein, quelle que soit la fonction liée à cette industrie, il faut vraiment que ça change. En tant que joueur passionné personnellement, depuis presque 35 ans, je ne veux pas être associé à ces comportements, à ces images révoltantes qui tournent en boucle et qui vont faire la joie des sites putaclic, bien sûr. Comme vous, hein, j'en suis certain, je ne me reconnais pas en ces personnes. Alors bien sûr, c'est super facile de critiquer sans proposer de solution, mais une véritable prise de conscience doit avoir lieu, c'est primordial. Il y en a marre des « oh, c'est pas bien » pendant quelques jours sur Twitter et après, voilà, tout recommence comme avant. Non, il faut vraiment que ça cesse. J'ai bien conscience que le souci est général, hein, c'est pas un problème lié à la Paris Games Week, c'est un problème de société, bien évidemment, mais que ce salon parisien met en exergue une fois de plus. Hein, bien sûr, il n'y a pas qu'à la Paris Games Week qu'on observe ce genre de dérive, mais ça reste quand même emblématique, désolé, d'une certaine French Touch, je ne sais pas si le terme est approprié, mais la Paris Games Week est hélas, malheureusement aussi, célèbre pour ça. Ce qui serait bien, ce serait que des stars du salon en parle, que ce soit des youtubeurs ou autres, des gens en vue en tout cas qui ont une communauté, ce serait bien que ces gens-là condamnent officiellement via une vidéo, un papier, j'en sais rien, un article de blog ou leur compte Twitter, que sais-je. Ils ont une parole qui porte auprès de leur public. Donc ça, c'est plus possible et je pense qu'il faut qu'ils s'engagent. Personnellement, moi j'ai des souvenirs horribles de ce salon. J'ai eu la chance à l'époque d'IGMAG de faire la première soirée presse. Donc la veille de l'ouverture du salon. Et déjà, alors que ce n'était que la soirée presse, ça se fightait pour avoir des goodies à 2 balles, pour passer avant tout le monde, pour tel ou tel. Enfin, déjà, l'ambiance même au milieu VIP, hein, il n'y avait pas que des journalistes, hein, c'est une soirée presse, bien évidemment, des invités avaient été distribués un peu à droite à gauche. L'ambiance était déjà, bon, bof. Et il y a 2 ans, j'y suis retourné avec mon frère Julien, et il me semble qu'on n'avait jamais fait autant un passage éclair sur un salon. À mon avis, on a dû rester 1h30, on devait y passer la journée. Mais entre les incivilités, entre l'organisation, entre le côté abrutissant de la chose, avec cette sono mais qui vous pète les oreilles, moi je suis désolé, mais quand on a plus de 30 ans, ça devient compliqué, hein, sans être un vieux con, mais on ne s'entendait pas parler, pour ne serait-ce qu'apercevoir certains jeux. Fallait prendre des tickets pour faire encore une autre file d'attente. Enfin, c'était n'importe quoi. Bref, c'était assez bizarre. Vraiment bizarre. Il y a un article de blog qui m'a interpellé ce week-end. C'est sur le site actugaming.net. Actugaming.net. Un article titré « La Paris Games Week 2017, la honte française du salon international ?» Le titre est un petit peu rentre-dedans, mais ce rédacteur, en fait, nous parle justement des séquences de la honte, avec tous ces porcs, il n'y a pas d'autre mot, hein, qui font chier les jeunes filles sur le salon, du côté sale du salon, des détritus par terre, de l'organisation, bref, d'un tas de choses qui ne vont pas. Et donc c'est Julien, l'administrateur principal et chef rédacteur de ce site ActuGaming qui en parle. Donc je vous invite à aller voir ce site, je vous mettrai le lien sur le blog et sur la description YouTube. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas envie d'y aller, quoi, quand on voit ça. Je m'étais déjà fait la réflexion la dernière fois que j'avais mis un pied à la Paris Games Week, je m'étais dit, je n'amènerai pas mon gosse. Je vois pas de sortie en famille là-dedans. Alors, il y a eu la partie Kids du Paris Games Week. Est-ce que certains d'entre vous qui sont parents y êtes allés? J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Ça avait l'air un petit peu plus safe, voilà, entre guillemets, mais un peu plus en tout cas apaisant. Moi, je préfère 1000 fois les salons à taille humaine, comme celui, je leur fais un gros coucou d'ailleurs, organisé par Gwen et son association Games & Co. Dans le 91, tous les ans. Games & Co, d'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter. C'est vraiment un régal, pas d'hystérie, juste des passionnés dans une ambiance zen. Et il arrive à avoir des invités VIP, très intéressants, et pas des moindres. En plus, je préfère ce genre de petit salon à taille humaine. Donc ça, c'était le premier point. La deuxième chose qui m'a ulcéré ce week-end sur Internet, ce sont les histoires liées au forum de toujours du 18-25 de jeuxvideo.com. Donc je rappelle un petit peu les faits. Il y a quelques jours, une journaliste d'Europe 1, Nadia Dam, a critiqué fortement la section 18-25 du forum jeuxvideo.com. Alors pourquoi ? Parce que certains se sont amusés à pourrir un numéro de téléphone qui était mis à disposition des femmes victimes de harcèlement. Elle a eu des mots très durs. Suite à cette chronique, il y a eu une sorte de vendetta sur elle. Le site Libération précise que donc il y a eu des attaques sur ses comptes électroniques, des injures pornographiques, des menaces de mort, des menaces de viol, des menaces sur son enfant, des tentatives d'intrusion à son domicile au milieu de la nuit. Voilà ce que subit, nous dit Libé, une journaliste pour avoir dénoncé dans une chronique diffusée sur Europe 1 le sabotage d'un numéro de téléphone destiné à aider les femmes victimes de harcèlement de rue par des activistes issus de ce forum 18-25, lieu d'une parole libre qui parfois dérape dans une violence faussement ludique. Ce qui arrive à Nadia Dam depuis cette chronique lui donne tragiquement raison. Donc, il y a eu le hashtag boycott Webedia. Webedia, c'est l'immense société qui détient jeuxvideo.com et plein d'autres sites comme Halluciné, etc. Enfin, c'est une énorme boîte. Donc, il y a eu le hashtag boycott Webedia sur Twitter, suivi depuis hier. En fait, un nouveau hashtag a été lancé à la place, et balance ton forum. Ça se déchaîne vraiment sur Twitter là-dessus. Alors certes, tous les acteurs du site jeuxvideo.com et des différents forums ne sont pas responsables. Ce ne sont pas eux qui ont écrit ces messages. Mais si cette campagne sur Twitter peut paraître extrême, elle témoigne quand même, vous êtes d'accord, d'un malaise. Et on ne peut plus laisser ça. On ne peut plus laisser de telles infamies, de telles menaces sur le web. Si certains poussent des marques à ne plus apparaître en pub sur le forum ou sur jeuxvideo.com. Hein, c'est l'un des objectifs d'ailleurs de ce hashtag, hein, balance ton forum, c'est de menacer les marques d'être associées à ce type de propos. D'ailleurs, là au moment où j'enregistre cette émission, la marque Barilla tweetait officiellement qu'elle faisait tout pour ne plus apparaître sur les forums jeuxvideo.com. Donc, ce nouveau scandale provoque beaucoup de remous, à tel point que dans la foulée, le groupe Webedia s'est fendu d'un communiqué stipulant que, je cite, le groupe s'associera aux procédures judiciaires à l'encontre des auteurs de cyberharcèlement. On peut notamment lire dans ce communiqué que le groupe Webedia condamne fermement ces actes de haine et de violence en envisageant de poursuites judiciaires à l'encontre de leurs auteurs et en renforçant la modération des forums de jeuxvideo.com. Le doublement des effectifs internes de modération a notamment été annoncé, ainsi que la suppression systématique de tous les topics concernant Nadia Dam et d'une manière générale de tous les topics relatifs à cette affaire, que les contenus soient ou non critiquables. Un peu plus loin, on peut lire Véronique Morali, présidente du directoire de Webedia, déclare ce dimanche être totalement solidaire de toutes les actions qui sont et seront engagées pour préserver la libre parole des femmes et protéger leur intégrité physique et morale. Et donc Véronique Morali dit, en tant que fondatrice de l'association Force Femmes, cofondatrice du Women Corporate Directors Paris, fondatrice du site Terra Femina, et par le passé présidente et cofondatrice de Women's Forum, j'ai consacré ma carrière à la lutte pour la représentation des femmes dans la société et dans le monde professionnel. Je suis particulièrement touchée et concernée par les actes de haine actuels à l'encontre des actions contre les violences faites aux femmes et de leurs défenseurs. Néanmoins, je ne peux accepter les amalgames qui sont faits aujourd'hui par certains observateurs qui, par ignorance ou malveillance, portent atteinte à la dignité et aux valeurs qui sont les miennes et celles de Webedia. Donc un communiqué qui n'a pas calmé les esprits sur les réseaux sociaux à l'heure où je vous parle. Coup de communication pour essayer d'éteindre l'incendie ou véritable déclaration d'intention. J'ai hâte personnellement de voir si la modération va vraiment se muscler, parce que c'est vraiment l'un des points essentiels que j'allais aborder d'ailleurs dans cette émission. Mais ce communiqué est tombé entre temps. Il faut aussi se mettre du côté, je pense, des rédacteurs du site jeuxvideo.com. Et je me demande comment ils vivent ça. Tout comme certains autres acteurs de Webedia, qui sont des personnes très respectables. Et je suis sûr que ce genre de poste de déclaration les révulse totalement et doivent même les plonger dans un certain malaise. Comme vous et moi, hein, tout simplement. Est-ce que cela n'entache même pas, à un moment donné, le moral des troupes ? Parce qu'il ne faut pas être caricatural et binaire. Ces polémiques doivent, je pense, en affecter beaucoup chez Webedia. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais il me semblait vraiment important d'en parler. On ne peut pas mettre ça sous le tapis, c'est pas possible. Ces deux problèmes qui ont émergé ce week-end ne sont en aucun cas nouveaux, nous sommes d'accord. Ces problèmes-là viennent s'ajouter à une longue liste de faits nauséabonds. Mais qu'est-ce qu'on attend pour agir de façon ferme, constructive et sans détourner le regard ? Qu'est-ce qu'on attend ? qu'un drame encore plus grave et irréversible survienne ? Il est temps que ça change définitivement. Donc comme je dis souvent, il n'y a pas de solution miracle. Et moi-même, hein, je n'ai pas la solution, c'est clair. Et je tiens pas les manettes, hein. Je ne suis pas en haut de la pyramide avec une vue beaucoup plus globale et technique sur la question. Moi, c'est juste un passionné de jeux vidéo, voilà, qui vous parle et qui en a marre de ces histoires. Et je sais que les 3/4, 90%, voire même plus, 99% des joueurs de jeux vidéo ne se retrouvent pas dans ces polémiques, ne se retrouvent pas dans ces actes ignobles. Que dire de plus si ce n'est qu'il faut que ça cesse. Que les personnes qui sont aux manettes, ceux qui ont le pouvoir de faire évoluer ça, il faut qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour que la situation change. Il faut qu'ils engagent une vraie réflexion de fond qui doit engendrer des actions concrètes. Hein, et pas des trucs qui vont tomber dans 15 ans non plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, désolé, le sujet n'est pas super festif, mais je pense qu'on ne peut plus détourner le regard. Je ne vous embête plus avec cela, on va passer à la suite. GameCult nous a informé que le SEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, a publié un documentaire sur les femmes dans l'industrie du jeu vidéo. C'est Jarod qui nous en parle et qui nous explique que ce documentaire réalisé par Crush Production dure 13 minutes et s'intéresse au portrait de 9 professionnels évoluant dans des postes très différents qui évoquent leur expérience personnelle tout en essayant d'expliquer les causes de la faible représentation des femmes du milieu. Donc c'est un document en 3 parties, hein, vous pouvez trouver très facilement sur YouTube, les femmes dans l'industrie du jeu vidéo, vous tapez ça dans le moteur de recherche de YouTube et vous tomberez directement dessus. Jarod nous dit, hein, sur GameCult, en complément des témoignages et des pistes évoquées dans ce documentaire où s'expriment des professionnels du monde entier, le SEL se penche plus particulièrement sur le cas français, en rappelant que l'on compte aujourd'hui en France moins de 15% de femmes dans les studios de développement contre un peu plus de 12% en 2014. Le syndicat mentionne des personnalités locales importantes comme Jeanne Rousseau, directrice générale du studio Spiders, Sophie Legrand, directrice artistique chez Cyanide en charge du prochain jeu Call of Cthulhu, Sashka Duval, scénariste sur Dishonored 2 chez Arkane Studio, ou encore Laetitia Jake, directrice générale adjointe du studio Ankama, sans oublier les centaines d'autres femmes qui œuvrent dans l'ombre et font partie de l'écosystème du jeu vidéo français. Donc vous l'aurez compris, le visionnage est fortement recommandé. Je vous avais déjà parlé de l'association Women in Game. D'ailleurs, je vous conseille vivement de suivre leur Twitter, Women in Game, hein, voilà, c'est facile à trouver. C'est une association qui se bat pour la promotion de la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France. On en a donc beaucoup parlé lundi. Eh bien, figurez-vous que Télématin, oui, j'ai bien dit Télématin, l'émission matinale de France 2, eh bien, a fait un sujet sur les femmes dans le jeu vidéo et a réalisé quelques interviews en profitant de la Paris Games Week pour interroger des femmes du secteur sur la place des femmes dans le milieu du jeu vidéo. On peut notamment entendre Julie Chalmette, vice-présidente de Women in Games. Et cette dernière réagit sur le fait que les femmes ne représentent que 15% des effectifs travaillant dans le jeu vidéo. On vient de créer cette association Women in Games et on espère qu'à terme, on va réussir à faire monter cette proportion de femmes. On voudrait la faire doubler dans les 10 ans à venir parce qu'on pense que c'est important que les femmes participent à la création de ce qui sera le loisir du 21e siècle. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on est une industrie où les femmes jouent. Elles représentent 47% des joueurs en France. Notre industrie, elle est également une industrie qui est technologique. Dès qu'on parle de technologie, les femmes s'en détournent et c'est vraiment dommage. Alors, je vais plomber un petit peu l'ambiance juste encore quelques minutes, puisqu'on va revenir sur la polémique du forum 1825 de jeuxvideo.com. Nous en avions parlé lundi de cette polémique, qui après une énième campagne nauséabonde visant cette fois-ci Nadia Dam, une journaliste d'Europe 1, Le Monde, sous la plume de Luc Vinogradov, revient sur cette histoire en titrant dans la polémique sur jeuxvideo.com les annonceurs sommés de prendre position. Donc le journaliste nous rappelle les faits. Depuis le 30 octobre, des membres d'un des forums de jeuxvideo.com, le 1825, s'en sont pris à des journalistes et des activistes, que ce soit en les insultant, en les menaçant de viol, en les harcelant en ligne et avec toutes sortes de tentatives d'intimidation. Plusieurs plaintes vont être déposées, notamment pour menaces de crime contre les personnes, et Webedia a promis de s'y associer, annonçant également des mesures pour empêcher ce genre de dérive intolérable dans le futur. Webedia, je le rappelle, c'est la boîte, l'énorme boîte, comme je vous ai expliquer ça lundi, qui détient jeuxvideo.com, mais également plein d'autres gros sites. Donc un peu plus loin, le journaliste du Monde.fr nous explique que l'initiative d'interpeller les annonceurs, de les obliger à prendre publiquement position dans cette polémique, a été lancée le 4 novembre par Sophie Gourion, ex-conseillère au ministre des Droits des Femmes et présente, comme tous ses annonceurs, sur Twitter. Sophie Gourion avoue s'être inspirée de la campagne virale en mai visant les annonceurs de l'émission de C8, touche pas à mon poste, donc TPMP, hein, après un sketch débile et homophobe. Là, je cite l'article, à chacun de se faire son avis, mais moi, je suis plutôt d'accord avec cette description. Le concept de l'opération, donc hashtag boycott Webedia, aussi connu maintenant par hashtag balance ton forum, écrivait-elle le 5 novembre. Donc le concept est de taper au portefeuille de Webedia en interpellant ses annonceurs. Luc Vinogradov continue en écrivant « Le forum 1825 représente près d'un tiers des 4,8 millions de visiteurs uniques mensuels de jeuxvideo.com. L'objectif, selon elle, et d'obliger Webedia à améliorer sa modération. » Plus loin dans cet énorme article, hein, il nous dit, dans un nouveau post publié le 7 novembre, Sophie Gourion écrivait que 4 annonceurs, donc Barilla, La Française des Jeux, Spotify et le groupe Apicil, ont déjà déclaré d'arrêter leur publicité sur jeuxvideo.com. Ce nouveau militantisme viral, hein, nous explique le Monde.fr, a été perfectionné par le collectif américain anonyme Sleeping Giants, apparu quelques jours après la victoire de Donald Trump. Il se mobilise, via des comptes Twitter et Facebook, à la résonance grandissante pour prévenir les entreprises dont les publicités apparaissent, souvent sans qu'elles le sachent d'ailleurs, sur Breitbart, site d'information de la droite très dure pro-Trump et relayeur habituellement d'informations exagérées ou mensongères. En un an, ils estiment que près de 2900 entreprises ont retiré leur publicité sur Breitbart. Et enfin, on peut lire aussi un peu plus loin, dans le même papier, à ceux qui déplorent l'amalgame fait entre une minorité aux méthodes criminelles et le reste des utilisateurs. Entre parenthèses, hein, c'est ce que je disais bien lundi, il ne faut pas mélanger tout le monde. Ce n'est pas parce qu'une minorité poste des trucs dégueulasses et même entreprend des actions complètement scandaleuses qu'il faut mettre tout le monde dans le même bateau, hein, bien sûr. Sophie Gourion, nous dit l'article, répond que le hashtag balance ton forum, je cite Sophie Gourion, n'a jamais demandé la fermeture du forum 1825, mais défend la liberté d'expression et lutte pour qu'Internet ne soit plus pollué par des discours ou des comportements sexistes, racistes, homophobes, transphobes ou antisémites. Ce à quoi je souscris à 10 000%. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Voilà. Donc, je voulais quand même revenir pour vous donner les suites de cette affaire, parce que c'est vrai qu'elle a pris une grosse place dans l'édition de lundi. Donc là, je voulais quand même faire un petit point sur cette affaire et on va reprendre une actu plus joyeuse tout de suite, c'est-à-dire dans quelques secondes, c'est-à-dire maintenant, quelque part, c'est là. Bougez pas, ça arrive. Nous avons parlé à plusieurs reprises dans cette émission d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir la place des femmes dans le jeu vidéo. Rappelons ce chiffre assez triste dont nous parlions dans l'édition d'hier, justement. Seulement 15% des personnes employées dans le JV sont des femmes. Et c'est dans ce contexte que PixelLeMonde.fr publie un article titré « Joyce Weisbecker, pionnière méconnue de la programmation de jeux vidéo ». Signé par William Oduro, l'article nous dit « Une récente enquête historique du site américain Co.design révèle que la première programmeuse professionnelle, Joyce Weisbecker, a fait du jeu vidéo son métier dès 1976. Une découverte d'autant plus significative que les premières consoles programmables datent de 1976, justement. Née en 1958 dans le New Jersey, Joyce Weisbecker n'a que 17 ans lorsqu'elle signe ses premiers jeux vidéo rémunérés pour le compte de RCA. Cet ancien géant américain du mobilier audio-vidéo s'apprête à lancer la Studio 2, console qui, en dépit de son échec commercial, restera avec la Fairchild Channel F comme la première à utiliser des jeux interchangeables. Dès ses 16 ans, Joyce Weisbecker a déjà conçu et programmé des jeux. Sur donc la console Studio 2, elle signe ses premiers jeux rémunérés. Comme sur toutes les consoles de l'époque, ils sont uniquement en noir et blanc, mais il ne s'agit pas de simples de clones de Pong ou de jeux de raquettes similaires, et pour l'époque, il s'agit d'un immense pas en avant en matière de créativité. Jeux de quiz, de courses, d'action, etc. Rendu obsolète par la sortie en 1977 de la fameuse Atari 2600, une concurrente capable d'afficher révolution pour l'époque, des jeux minimalistes en couleur. RCA, donc, cesse la production de sa console en 78, ce qui marque également la fin de sa courte carrière de pionnière. L'article se termine en nous disant que, suite à cette fin de la console Studio 2, elle reprend ses études, elle obtient en 1980 un double diplôme en ingénierie et en sciences actuarielles, Elle se lance ensuite dans une carrière d'actuaire, puis d'ingénieur radar. Peu intéressée par le titre de première femme conceptrice, elle préfère se voir comme la pionnière du jeu indépendant. Récemment, elle envisageait d'ailleurs de se replonger dans la programmation de jeux vidéo, mais narratif cette fois-ci. Je vous conseille fortement d'aller lire cet article de William Audureau sur pixel.fr Le Monde, sachant que là, je vous ai cité les passages qui m'ont marqué. Mais bien sûr, l'article est beaucoup plus fourni avec moult détails, saisies d'écran, documents d'époque. C'est passionnant et donc bravo à William Audureau pour ce papier qui nous révèle donc l'existence de Joyce Weisbecker, pionnière du jeu vidéo et je pense qu'on est beaucoup à la découvrir aujourd'hui. Tenez, on va encore parler un petit peu de Sonic. C'est vrai que ça fait beaucoup de Sonic, mais il est dans l'actu et donc il faut en parler. Surtout que le réalisateur et musicien John Carpenter est un gros fan de Sonic. Et oui, New York 1997, Halloween, The Thing, Invasion, Los Angeles ou encore L'Antre de la Folie. Autant de films cultes que l'on doit à Maître Carpenter, qui en plus d'être un réal de génie, est aussi un compositeur de grand talent. Il a notamment énormément composé pour ses films. Et c'est en tant que compositeur, justement, qu'il s'exprime sur le site américain factmag.com, site qui vient de lancer une nouvelle rubrique intitulée Level Up, et qui propose à un compositeur de revenir sur ses jeux vidéo favoris. Et le maître nous parle de Sonic. Et oui, à côté de jolis souvenirs où il raconte que son fils l'a initié à tout un tas de jeux différents, et qu'il s'est fait éclater par son rejeton, mais qu'il s'est amusé comme un petit fou, John Carpenter est tombé sous le charme du premier Sonic sur Mega Drive, alors qu'à l'époque il l'avait acheté pour son rejeton. Il déclare « Au début des années 90, je me suis accroché à Sonic the Hedgehog pour Mega Drive, et je ne pouvais pas arrêter de jouer. J'ai adoré le jeu, j'ai tout aimé. J'ai particulièrement aimé la musique. Il y avait quelque chose dans le son et la sensation que prodiguaient les jeux Sonic. Et soudainement, je me suis senti beaucoup plus jeune et plongé à nouveau dans les années 90. Il n'y avait pas de carte mémoire à l'époque, donc je devais recommencer à chaque fois depuis le début. Ces jeux étaient hard. » Le niveau aquatique, alors là, il fait référence au fameux Labyrinth Zone du premier Sonic. « Oh mon Dieu !» nous dit John Carpenter. « Je mourais à chaque fois, puis je devais recommencer. C'était tellement frustrant, mais il y avait quelque chose de passionnant dans ce jeu. Je continue à vouloir jouer aux titres Sonic parce qu'ils sont fun et j'espère qu'ils continueront à en faire. » Et alors ce qui est marrant, c'est qu'il nous dit aussi « J'ai même aimé celui où il se transforme en loup-garou. » Alors là, il fait référence à Sonic Unleashed, qui a été assez mal reçu en 2008 et que moi-même, j'avais vraiment pas aimé du tout. Et donc la dernière expérience qu'a eu John Carpenter avec un Sonic, eh ben, c'est cet été, l'été dernier, avec Sonic Mania. Et visiblement, il a adoré. Donc, pour résumer, Maître Carpenter adore les musiques mythiques et enivrantes du premier volet sur Mega Drive et il a bien kiffé Sonic Mania. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est définitivement un mec bien. Tenez, je vais vous reparler de pixellemonde.fr. Vous allez me dire encore ? Ouais, mais là, je ne pouvais vraiment pas passer à côté de cet article, puisque William Audureau nous parle de Virtuos, le géant de l'ombre du jeu vidéo. Alors là, j'en ai appris pas mal dans cet article, qui est très très long, mais passionnant, captivant. Je vous ai juste, comme d'habitude, pris les passages qui m'ont paru les plus saisissants, n'est-ce pas ? Ce papier nous dit « Loin de l'écran titre et des logos de Lucasfilm et Electronic Arts, le nom de Virtuos n'apparaît que dans les crédits de fin de Star Wars Battlefront 2 et même de FIFA 18. Hein. Un nom obscur, celui d'une entreprise franco-chinoise que personne ne connaît. La preuve, moi, je ne la connaissais pas jusque-là. » Et donc, l'article nous dit « Et qui est pourtant impliqué dans les derniers blockbusters en date de l'industrie. » En 2016, rendez-vous compte, 6 des 10 jeux sur console les plus vendus avaient eu recours au service de ce sous-traitant de l'ombre, historiquement spécialisé dans la conception d'éléments en 3D. À l'origine de cette success story méconnue, un Français, Gilles Langourieux, un ancien d'Ubisoft, qui a été responsable des studios de production chinois du groupe Dive Guillemot. C'est notamment lui qui a fondé Ubisoft Shanghai, qui fut l'une des bases arrière de l'éditeur français à l'époque de la PlayStation 2. Son succès, Virtuos le doit en partie à l'augmentation de la puissance des consoles et l'arrivée de la haute définition. Qui dit plus de réalisme, plus de détails et donc plus de besoins en ressources. L'article, par ailleurs, nous dit que Virtuos prend en charge 5 à 50% de la production d'éléments en 3D dans un jeu pour des budgets allant de plusieurs centaines de milliers à des millions d'euros. Dans certains cas, la boîte assure même de A à Z la rénovation d'un ancien titre, comme le remake de Final Fantasy XII, hein, sorti cet été sur PlayStation 4, ou celui qui vient à peine de sortir là, de L.A. Noire sur Nintendo Switch. Alors un peu plus loin, on apprend que depuis peu, la société doit faire face à l'explosion de K-Word, une entreprise de localisation britannique qui, grâce à son entrée en bourse, a étendu ses activités et grignote des parts de marché à Virtuos. Pour faire face, l'entreprise s'est pour la première fois lancée dans la conception entière d'un jeu, grâce notamment à un jeune studio établi à Paris près de Notre-Dame. Et donc Gilles Langourieux nous dit « Pour montrer la qualité de nos services, pour devenir incontournable, être grand ne suffit pas, il faut aussi avoir des succès à son palmarès pour gagner en image et en savoir-faire. » Voilà, donc ça c'était vraiment quelques petits passages de cet article assez conséquent. Vraiment très très très intéressant, riche en détails. Et vous voyez, moi jusqu'à aujourd'hui, Virtuos, je ne connaissais pas. Et pourtant, bon, je ne pense pas être le dernier à me renseigner. mais c'est très intéressant de voir un petit peu l'envers du décor de certains procédés qui ne sont pas effectivement mis sur la place publique si facilement que ça. Donc je vous invite à aller voir cet article titré « Virtuos, le géant de l'ombre du jeu vidéo » sur pixellemonde.fr. Adeline Louvigny de la RTBF nous met en garde, elle nous dit non, la Belgique n'a pas qualifié les lootbox de Battlefront 2 de jeu de hasard. Elle nous met en garde, c'est le titre de son article hein, sur le site de la RTBF. Elle nous informe que c'est une fausse information qui circule sur les sites consacrés à la culture vidéoludique, notamment sur le très populaire site jeuxvideo.com. La commission des jeux de hasard belge aurait établi que l'utilisation des coffrets payants offrant un contenu aléatoire, donc les fameuses lootbox, hein, est bien un jeu de hasard. Donc non, nous n'en sommes pas encore là. C'est un énième encore épisode des lootbox de Battlefront 2, on en parle quasiment chaque émission, mais c'est un sujet assez important, assez scandaleux pour qu'on y revienne régulièrement. Donc Adeline Louvigny nous dit « Nous avons contacté Étienne Maric, le président de la commission des jeux de hasard à la Chambre, qui dément totalement cette affirmation. Aucune conclusion n'a été remise sur l'enquête en cours dans Battlefront 2 et Overwatch. Pour l'instant, seule une note informative sur la problématique de l'argent dans les jeux en ligne a été élaborée. Aucune décision définitive n'a donc été encore prise. Hein. Donc aucune décision de cet ordre n'a été prise en Belgique pour l'instant. En tout cas au moment où j'enregistre cette émission, c'est-à-dire, je vous le donne en mille, mercredi soir. L'article poursuit en nous précisant à l'origine de cette fausse information un article de VTM News rapportant les propos du ministre de la Justice Coet Gyns qui voudrait voir les achats dans les jeux vidéo bannis. Donc dans l'article, hein, ses confrères hein, du site flamand reprennent alors une citation de la commission lors du lancement de son enquête. La citation étant celle-ci, le mélange d'argent et d'addiction, c'est du jeu de hasard. Et Adeline Louvigny ajoute une phrase qui a été interprétée comme la conclusion de l'enquête, alors qu'elle explique juste la caractéristique qui doit être étudiée dans les jeux vidéo afin de déterminer s'ils peuvent être qualifiés de jeux de hasard. Et donc ça va plus loin que ça parce qu'on nous explique que Google Translate, donc l'outil de Google hein, qui vous permet de traduire des textes dans la langue de votre choix, ce service de Google pourrait être en partie à l'origine de cette confusion. Sa traduction du néerlandais, nous dit-on, reste très approximative et les premiers médias à avoir rapporté l'information, en grande partie anglophones, ont dû l'utiliser pour comprendre l'article de VTM News. Ces médias admettent eux-mêmes que la traduction est assez mauvaise. Et l'info, voilà, s'est répandue comme une traînée de poudre sur l'internet mondial. Mais l'affaire n'en finit pas de rebondir, et justement, ce papier de la RTBF nous indique également que l'association de consommation française UFC Que Choisir s'est elle aussi positionnée, demandant que les boîtes de loot soient considérées comme un jeu de hasard, en adressant un courrier à l'autorité française de régulation des jeux en ligne, autrement dit l'ARJEL. Ce papier conclut en nous indiquant que du côté de la commission des jeux de hasard belge, Étienne Maric explique que ce lien entre argent et jeux en ligne est une problématique identifiée depuis plusieurs années et que la commission des jeux de hasard aimerait voir ses compétences élargies afin de devenir la commission des jeux, afin de mieux pouvoir analyser ces phénomènes. Donc un article très explicatif, intéressant et qui met la lumière sur un peu les dérives de cette news en fait qui a fait un peu boule de neige avec une mauvaise traduction, avec des interprétations, bref tout le monde s'est un peu emballé. Il n'empêche, le fait de qualifier hein, ces lootbox de jeux de hasard est toujours à l'étude, de toute façon on en avait parlé déjà dans cette émission, mais le fait que le focus soit fait sur ce problème, que ce soit en Belgique, en France et ailleurs, aux États-Unis aussi, ça bouge un peu partout. C'est très bien, car il faut arrêter de nous prendre pour des jambons, s'il vous plaît. L'hypochondriaque ceinture noire que je suis va vous parler d'un article qui est paru dans Santé Magazine. Alors, excusez-moi de vous le dire, mais comme je l'ai tweeté hier, je me sens héroïque, hein, parce que moi, tous les sujets qui tournent autour de la santé, pour moi, il n'y a rien de plus anxiogène que ça. Mais là, ça concerne notre passion, le jeu vidéo, et c'est un article plein d'espoir et assez positif, intitulé « Un jeu vidéo pour traiter une séquelle physique de l'AVC ». L'article nous explique notamment que des chercheurs anglais ont mis au point un jeu vidéo social pour aider les patients handicapés physiques après un accident vasculaire cérébral. Ces derniers l'utilisent en collaboration avec des personnes en bonne santé pour les stimuler davantage. Un peu plus loin, on nous explique que si la principale complication est la survenue d'un nouvel accident vasculaire cérébral, la personne qui en a été victime peut souffrir d'une paralysie ou une faiblesse d'un côté du corps, des problèmes de vision ou des troubles de la parole, de l'écriture ou encore de la compréhension orale. C'est pour aider les patients ayant des déficiences physiques à améliorer de manière significative leur réadaptation que des chercheurs de l'Imperial College London ont conçu un jeu vidéo donc collaboratif baptisé Balloon Buddies. Ce dernier permet à ceux qui se rétablissent d'un AVC de jouer avec des bénévoles en bonne santé comme des membres de leur famille ou des amis. Alors quel est le principe du jeu ? Eh bien, il y a deux utilisateurs qui doivent équilibrer une balle sur une poutre, soulevée à chacune de ses extrémités par des ballons gonflés par chacun d'entre eux. Son principal objectif consiste à modifier la hauteur de la poutre de manière à ce que la balle entre en collision avec des cibles mobiles afin de collecter des points. Santé Magazine précise que les utilisateurs sont également tenus de travailler ensemble pour maintenir le faisceau horizontal afin que la balle ne sorte pas de la plateforme. Ce n'est pas la première fois que le jeu vidéo a une utilité dans un cadre médical, mais celui-ci je ne le connaissais pas, donc je tenais à vous en faire part. Donc c'est à lire dans Santé Magazine, un jeu vidéo pour traiter une séquelle physique de l'AVC, et bien sûr tout ça sera en lien sur le blog et dans la description, il n'y a pas de souci. Play in Shanghai, c'est le nom d'un documentaire français qui aborde le sujet passionnant du jeu vidéo en Chine. Un doc réalisé par Esteban Green, un documentaire donc français, qui a été tourné en septembre 2017 à Shanghai. Et pendant ce doc, l'auteur a pu rencontrer Eric Zhu, un sino-américain qui vit donc sur place à Shanghai et qui est un ancien collaborateur du site Kotaku, que je pense tout le monde connaît à peu près. Alors le doc est vraiment très sympa puisqu'il aborde moult thématiques du jeu vidéo en Chine, le game design, la situation économique des joueurs, le social play, le mélange des cultures, la scène indé, les interactions avec le gouvernement. Alors des sujets vraiment très intéressants puisqu'on a une photographie et un historique en même temps du marché du jeu vidéo en Chine. Et je me suis vraiment régalé avec ce doc qui dure une petite demi-heure, me semble-t-il, de mémoire. Le seul petit défaut, je pense, c'est au niveau de la réalisation. Alors, la réalisation est très propre, très soignée, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que parfois, il y a des effets qui sont un petit peu... alors, ça, c'est vraiment personnel. Peut-être un poil lourdingue, à mon goût. Des pauses musicales entre les interviews qui sont peut-être un peu trop longues. Mais là, comme toujours, ce n'est que mon avis. Mais là, vraiment, je pinaille. C'est un doc qui n'a pas eu un financement de ouf. D'ailleurs, je crois qu'il est même, il a été fait en totale indépendance. Et c'est pas le sujet le plus traité qui soit par chez nous, il faut le dire. Donc, je vous le conseille. C'est Play in Shanghai. Ça se trouve sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. C'est réalisé par Esteban Green. Allez-y, c'est recommandé par Bibi. Leparisien.fr, titre, nous avons testé le jeu vidéo contrôlé par la pensée. Et oui, ça a été publié hier ou avant-hier, je ne sais plus. En tout cas, c'est très récent. Et c'est Aymeric Renou, ou Renou, si j'écorche son nom, il m'excusera. Je doute qu'il écoute cette émission, mais au cas où, si vous connaissez Aymeric, et ben voilà, Renou ou Renou, le mystère reste entier, les enquêteurs sont sur le coup et j'attends les résultats du labo. Bref, ce journaliste nous dit qu'il n'y a plus besoin forcément d'une manette ou d'un joystick. Alors là, on voit que c'est quelqu'un qui est un petit peu à l'ancienne. Et encore moins d'une souris ou d'un clavier. On a d'ailleurs du mal à y croire au premier abord, mais ce jeu vidéo qui reprend les codes et l'univers de Space Invaders, le grand classique des années 80, se pilote à la seule force du cerveau. Alors le jeu s'appelle Brain Invaders, une innovation scientifique, d'après le Parisien, présenté la semaine dernière par le CNRS au sein du laboratoire Gipsa Lab à Grenoble. Hein. Grenoble, c'est dans l'Isère. Alors, loin de moi l'idée de faire Mister Météo, mais enfin c'est pour vous situer un petit peu. Le journaliste du Parisien a pu tester ce jeu. Il y a une vidéo, hein, je vous mettrai le lien de toute façon sur le site du Parisien. J'ai vu cette vidéo et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors pour y jouer, on nous explique qu'il faut d'abord s'équiper d'un casque, hein, qui est un électroencéphalogramme médical bardé de 16 électrodes qui analysent les moindres ondes électriques diffusées par le cerveau. Marco Congedo, chercheur au CNRS et pilote de l'équipe de scientifiques à l'origine du projet Brain Invaders, déclare « Notre système est capable de mesurer très précisément et en temps réel les faibles signaux cérébraux. L'information neuronale obtenue indique à notre algorithme l'endroit précis à l'écran où se concentre l'attention du joueur et le moment exact où il le fait avec le plus d'intensité. » Et donc, à travers l'aspect vidéoludique, c'est un grand espoir, nous dit-on, pour les grands paralysés, car les recherches scientifiques autour du pouvoir du cerveau permettent d'imaginer d'incroyables avancées médicales. Le chercheur nous dit qu'en adaptant très légèrement ce système, on peut imaginer que cette interface cerveau-machine pourrait par exemple permettre à une personne très lourdement handicapée, privée de l'usage de ses membres et de la parole, de communiquer avec ses proches en écrivant des messages sur un écran à la seule force de sa concentration. Donc c'est quand même assez hallucinant. L'article nous précise également que certaines expérimentations voient encore plus loin. Un tétraplégique américain de 34 ans, équipé d'une prothèse, est ainsi parvenu à actionner en 2015 un bras artificiel à la seule force de sa pensée grâce aux électrodes, deux électrodes plus précisément microscopiques, directement implantées dans son cerveau. Tout aussi bluffante, nous dit-on, une opération réalisée le 21 juin à Grenoble par le professeur Alim Louis Benhabib, fondateur du centre de recherche biomédicale Clinatech, qui a permis à un patient tétraplégique de marcher en contrôlant un exosquelette grâce à son cerveau, dans lequel avaient été, là encore, installés deux implants de 64 électrodes chacun. Eh bien écoutez, tout ceci est plein d'espoir, et je tenais donc à vous en parler ce matin dans l'édition. Alors nous en avions parlé il y a quelques jours de la sortie du livre La Légende Dragon Quest chez Third Edition, donc écrit par Daniel Andrieff alias Kamui Robotics. Une conférence a été organisée au Toulouse Game Show autour donc de ce bouquin. Une conférence donc où Daniel Andrieff était présent. Figurez-vous qu'une personne vraiment que je tiens à remercier l'a filmé, et le son en plus est pas trop dégueulasse. C'est sur YouTube, la chaîne, alors je vous mettrai le lien bien sûr comme d'habitude, une chaîne qui s'appelle Masa Muneto, donc M-A-S-A plus loin Muneto, et donc la conférence Dragon Quest animée par Daniel Andrieff est disponible dessus, et donc il revient sur l'importance de Dragon Quest dans la culture japonaise, sur l'importance du jeu, sur l'importance de cette saga en général, de ses créateurs, de son influence, de Final Fantasy aussi, qui est le grand rival, bref, c'est très très intéressant. Une conférence qui dure je crois 30-40 minutes, alors je vous dis peut-être une bêtise, mais enfin c'est dans ces eaux-là. Écoutez, en direct live différé, je vais vérifier tout de suite. Voilà, vous allez entendre le clic-clic, hop, de ma souris. Moi qui souhaite ardemment que ce podcast soit vraiment une manière de nous rapprocher, vous et moi, voilà, on fait ça en toute détente. Je vais dans historique. Donc 43 minutes, voilà, je m'étais pas trompé. Voilà, 43 minutes. Donc ça a été posté là ces jours-ci. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette conférence, très intéressante, très bon son. C'est toujours passionnant d'écouter Daniel Andrieff, car voilà, il connaît son sujet. Ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on ne peut pas lui retirer ça. À écouter d'urgence, si vous aimez le bonhomme, si vous aimez la série, si vous aimez le jeu vidéo, si vous aimez la vie, j'ai envie de dire. Voilà, à écouter d'urgence donc sur YouTube. Shenmue 3 refait encore parler de lui, oui, et cette fois-ci pour des raisons plus rassurantes, je trouve. Donc, on apprend sur GameCult que le jeu se trouve du renfort en Inde. C'est Jarod qui nous explique ça, en y disant que tout en dévoilant un visuel illustrant un nouveau personnage féminin, qui est pas mal d'ailleurs, je trouve. Ça, c'est ma petite réflexion personnelle. Oui, donc Jarod nous dit, l'équipe de développement de Shenmue 3 vient d'annoncer son partenariat avec Lakshya Digital, un studio basé en Inde et qui travaille désormais sur la fabrication de nombreux personnages du jeu. Quand je dis que c'est encourageant, c'est parce que Jarod nous explique que ce studio est dévoué aux tâches externalisées et qu'ils ont déjà besogné sur des titres comme Bloodborne, Metal Gear Solid 5 ou encore le futur Sea of Thieves de Rare. Alors autant vous dire que quand même, c'est pas des petits jeux et quand on voit le boulot sur Bloodborne et Metal Gear Solid 5, les mecs font sûrement du bon boulot. D'ailleurs, hein, l'article sur Gamecult nous précise que depuis leur boulot sur Bloodborne, ce studio reçoit très fréquemment des commandes en provenance du Japon. Donc dans le cas de Shenmue 3, nous dit Jarod, des réunions en ligne ont lieu chaque semaine avec les employés donc de Lakshya Digital et les artistes de Isnet à Tokyo. Depuis octobre 2014, ce studio fait partie de la famille des Keyword Studios, un groupe qui déploie ses services dans les domaines du graphisme, de la programmation, du son ou même de la localisation. Lakshya Digital n'est pas nécessairement l'unique studio venu renforcer Shenmue 3, nous dit Jarod, dont le développement d'ailleurs a la particularité de se montrer très opaque depuis le début de sa campagne Kickstarter, mais... Voilà, Yu Suzuki, nous précisons, a toujours refusé de répondre aux questions concernant le nombre de personnes en train de développer sur le jeu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça quand même rassurant, vu le CV de ce studio indien. J'ai pu voir quelques moqueries sur le net, bon, qui n'étaient pas du meilleur goût. Je pense, moi, très concrètement, que ces mecs-là assurent et que ça peut être qu'une bonne chose pour le jeu. Et à mon avis, ça risque de faire des personnages un peu plus probants que ce qu'on a vu jusque-là. Alors, est-ce qu'ils vont travailler sur les personnages principaux, ça je ne sais pas, mais je pense que ce serait bien. Ce serait bien qu'ils reprennent Rio, toute la fine équipe, et leur faire un petit lifting de qualité, n'est-ce pas? Je pense que c'est nécessaire. Voilà. Donc attendons de voir. Je suis le premier à me moquer parfois du projet Shenmue 3, mais là je trouve que cette news est plutôt encourageante. Alors dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, sur les réseaux sociaux ou par Pigeon Voyageur. C'est vous qui choisissez le client est roi quelque part. Gros coup de cœur ce matin pour un article ainsi qu'un blog. Alors tout d'abord pour un article que j'ai pu lire sur noreclair.fr, un papier signé Fanny Sainteau intitulé « Au papillon blanc, un blog teste l'accessibilité des jeux vidéo ». Déjà, il faut savoir que Au papillon blanc, c'est une association qui aide les personnes en situation de handicap mental. Le site Noreclair nous parle donc de cette association, mais aussi d'un blog qui est tenu par l'un des membres donc de cette association qui se nomme Stéphane Laurent. Donc le papy nous dit qu'au sein des différentes structures gérées par les papillons blancs, 20 à 25% de personnes en situation de handicap ont leur propre console. Mais les jeux vidéo, nous dit l'article, ne sont pas souvent adaptés. Pour y remédier, un blog a été créé par un groupe de testeurs avec un certain succès, nous dit l'article. La journaliste poursuit en nous disant que très peu donc de jeux vidéo sont adaptés en raison de leurs difficultés ou de la présence de sous-titres en anglais. Dans l'espoir d'y remédier, un blog baptisé Game Lover a été lancé en 2013. Sa mission, nous dit-on, passer en revue les dernières nouveautés qui sont ensuite notées, les difficultés d'accessibilité étant détaillées. Donc le groupe qui se réunit au foyer Langevin à Tourcoing est animé par 7 à 10 testeurs avec des déficiences plus ou moins importantes. Un participant est doté d'un appareil auditif, un autre souffre d'une myopie importante, un troisième est infirme moteur cérébral, a des problèmes bien évidemment de manipulation, mais Stéphane Laurent nous dit que cela donne une vue d'ensemble des différentes familles de handicap, le but étant d'avoir des données pertinentes et donc susceptibles d'intéresser les concepteurs de jeux vidéo. Fanny Sainteau nous dit que pour ce faire, le groupe se rend chaque année depuis 2012 dans un grand salon parisien, le fameux Paris Games Week, à la rencontre des développeurs. Depuis novembre, ils étaient invités par le CEL. Alors le CEL, on en parle souvent dans cette émission. Je rappelle que c'est le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs. Et Stéphane Laurent, d'ailleurs, se félicite, je cite, d'avoir créé des liens avec le syndicat. À tel point, Stéphane nous dit qu'on reçoit des jeux directement des éditeurs pour faire nos tests. Les organes de représentation au niveau national se sont saisis du sujet. Il y a une prise de conscience. Alors le papier de Noreclair explique également qu'il y a plusieurs solutions qui existent pour établir un accès vraiment plus simple aux handicapés pour les jeux vidéo, des manettes adaptées. D'ailleurs, il faut savoir qu'Au Papillon Blanc travaille en étroite collaboration avec l'association Cap Game. Cap Game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association donc, qui agit pour l'accessibilité numérique dans le domaine des jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour aider les handicapés? nous précise l'article, donc l'ajout d'icônes à la place du texte, des versions françaises plutôt qu'anglaises, et des options permettant de ralentir le jeu sans le dénaturer. Des zooms aussi, des synthèses audio, bref, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est un sujet, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs, mais je trouve que c'est un sujet majeur. Majeur. Vraiment, cet article et ce blog m'ont énormément touché. Alors effectivement, je suis papa d'un enfant handicapé qui est autiste Asperger, donc au niveau, je dirais, cérébral et moteur, il n'y a aucun problème d'accès aux jeux vidéo. Mais pour d'autres types de handicap, c'est très très très compliqué et des solutions existent. Et il serait vraiment dommage que des handicapés n'aient pas accès à ces expériences absolument fantastiques qu'offrent les meilleurs jeux vidéo. Et Stéphane Laurent, d'ailleurs, explique en fin de l'article, alors je cite, hein, « Le joueur en situation de handicap veut jouer avec le même jeu que les autres », nous explique Stéphane. « Il ne veut pas de jeu dédié. Se rendre compte qu'on peut être inclus dans la société à travers un jeu vidéo, c'est important. On est conscient que les développeurs n'ont pas de baguette magique, mais en tenant compte de nos conseils, ils peuvent ouvrir un jeu à plein de monde. » Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, que mon fils étant autiste Asperger a des soucis de motricité fine, c'est-à-dire que pour certaines choses comme le sport ou même manipuler un ciseau, tout simplement, il est un peu plus donc maladroit que la moyenne, un peu plus lent sur ce niveau-là. Mais par contre, au niveau du jeu vidéo, il a été très très très rapidement assez, je dirais, performant, ce qui lui a prouvé, à un moment où peut-être il avait des grands doutes là-dessus, et il en a très certainement encore, qu'il pouvait faire jeu égal avec ses copains, ses cousins, que sais-je, que par rapport, par exemple, à une épreuve sportive où, pour certaines, il va vraiment être désavantagé du fait de son handicap. L'inclusion par le jeu vidéo, l'accessibilité au jeu vidéo pour le plus grand nombre sont des sujets vraiment qui me touchent énormément. Si vous voyez des coupures de presse sur le sujet, vous passez sous le nez, n'hésitez pas à me taguer sur Twitter, @revuedepressejv, ou à m'envoyer un mail sur l'adresse mail de l'émission, revue de presse JV en minuscule tout collé @gmail.com, pour que je puisse relayer un maximum. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog Game Lover. Vraiment, j'ai été bluffé. Bravo à Stéphane Laurent pour son travail. Si vous avez un proche qui est en situation d'handicap, c'est assez impressionnant en fait sur ce site. Par type d'handicap, on vous conseille des jeux. Les jeux donc sont testés par une équipe, hein, comme on le disait tout à l'heure, qui sont tous en situation de handicap, ce qui permet vraiment, non seulement pour ceux qui ne sont pas confrontés à des personnes étant handicapées, de s'ouvrir l'esprit, de voir que finalement, le jeu vidéo doit être accessible au plus grand nombre et qu'il faut faire des choses pour cela et que des gens se bougent le fion pour que ce soit le cas. Et vraiment, je les applaudis vraiment farouchement, sincèrement. Et donc, pour ceux qui ont des proches ou des amis en situation de handicap, ça ouvre vraiment tout un pan de réflexion. Il y a notamment un papier très intéressant sur Game Lover, un test de Uncharted Lost Legacy qui est sorti récemment, et où l'on voit effectivement ce qui est possible d'activer ou de désactiver dans le jeu pour le rendre le plus accessible possible. Vraiment, je vous conseille d'aller sur Game Lover. Je vous mettrai le lien, hein, bien sûr, sur la description de l'épisode. GameLover.org, donc c'est game-lover.org. Allez-y, partagez. Vraiment, je me demande pourquoi ce blog n'est pas plus connu que cela. En tout cas, un grand bravo à son propriétaire et à toute l'équipe. J'aimerais vous parler de Yoko Taro, le génial créateur de Nier et de Nier Automata et de Drakengard. Alors, ceux qui me suivent, hein, savent que je suis super fan du bonhomme. D'ailleurs, petit big up à Atomium, qui est au Japon d'ailleurs en ce moment. Bref, Yoko Taro a tweeté que son GOTY n'était autre que Animal Crossing Pocket Camp. Alors, vous savez, la déclinaison mobile d'Animal Crossing, dont on a tant et tant parlé dans cette émission, et qui est disponible depuis quelques jours. Et le bonhomme a déclaré à Gamasutra des choses rigolotes, alors que je vous ai traduit moi-même avec mes petites mains. Je n'ai pas copié-collé une traduction d'ailleurs, qui n'est pas encore arrivée à l'heure où j'enregistre cette émission. Donc, à plus forte raison, j'ai traduit moi-même les propos de Yoko Taro, eux-mêmes traduits en anglais, hein, sur Gamasutra, enfin bref, vous l'avez compris. Donc, Yoko Taro a dit qu'au début, donc en jouant à Animal Crossing Pocket Camp, il était un peu triste